Pape Satan à l'épée, commença Plutus à la voix enrouée, et le noble sage, qui l'avait compris, me dit pour me réconforter, que ta peur ne te trouble pas, tout le pouvoir qu'il a ne peut nous empêcher de franchir cette roche. Puis il se retourna vers cette face enflée et lui dit: Tais-toi donc, maudit loup. Range-toi toi-même avec ta rage. Elle a une cause, notre venue dans les ténèbres. On veut ainsi là-haut, là où Michel tira vengeance du crime de rébellion. Comme les voiles gonflées par le vent croulent, enveloppées lorsque le mât se rompt, ainsi tomba au sol cette bête cruelle. Et nous passâmes dans la quatrième fosse, entrant toujours plus loin dans cette triste pente qui en sache le mal de tout l'univers. Ah, justice de Dieu, qui donc amasse autant que j'en ai vu d'étranges tourments, d'étranges peines, et pourquoi notre erreur nous détruit-elle, comme les vagues au-dessus de Charybde se brisent contre les vagues qu'elles rencontrent, ainsi faut-il qu'ici les morts dansent la guigue? Là, je vis des gens plus nombreux qu'ailleurs, deçà, de là, avec des hurlements, pousser des fardeaux à coups de poitrine. Ils se cognaient l'un contre l'autre, et à ce point, chacun se retournait, repartant vers l'arrière, criant: Pourquoi tiens-tu? Et pourquoi lâches-tu? C'est ainsi qu'ils tournaient par le cercle lugubre sur chaque bord vers le point opposé, en criant encore leur honteux couplet, puis chacun se tournait quand il était venu par son demi-cercle à la deuxième joute. Et moi qui en avais le cœur comme brisé, je dis: Mon maître, explique-moi qui sont ces gens, s'ils furent tous clairs. S'est-on suré à notre gauche? Et lui à moi. Tous, ils furent borgnes dans leur esprit durant la vie, de sorte qu'ils n'eurent aucune mesure en leurs dépenses. Leur voix l'aboie très clairement. Quand ils parviennent à ces deux points du cercle où le péché contraire les désassemble, ceux-ci furent clairs, qui n'ont pas de couvercle de poils en tête, et papes et cardinaux, en qui l'avarice montre sa démesure. Et moi, maître, chez ces gens-là, je devrais bien en reconnaître quelques-uns qui furent salis par ces deux vices. Et lui à moi, tu as des pensées vaines. La vie méconnaissante que firent ces méchants les brunit à présent à la reconnaissance. Pour toujours, ils iront aux deux points de rencontre. Ceux-ci ressurgiront de leur sépulcre, avec le poing fermé, ceux-là, le poil rogné, mal donné, mal tenir leur a ôté. Le beau séjour est mis en cette échauffourée. Ce qu'elle est n'a pas besoin de beaux discours. Tu peux, mon fils, voir à présent le souffle court des biens qui sont confiés à la fortune, pour qui les humains se combattent, car tout l'or qui est sous la lune a été, ne pourrait donner le repos à une seule de ces âmes lassées. Maître, lui dis-je, enseigne-moi encore cette fortune que tu nommes, qui est-elle? Qui a tous les biens de la terre en ses griffes? Et lui à moi, ô stupide créature, quelle ignorance vous opprime! Je veux que tu saisisses ma pensée. Celui dont le savoir surpasse tout, créa les cieux et leur donna des guides, si bien que chaque partie luit sur les autres, en répandant une lumière égale. Pareillement, pour les splendeurs mondaines, il mit une intelligence ordinatrice, qui change à temps tous les 20 biens de race à race, de l'un à l'autre sang, outre l'opposition des volontés humaines. Ainsi, un peuple règne et un autre languit, suivant la décision de cette intelligence qui est cachée comme serpent dans l'herbe. Votre savoir ne peut lui résister. Elle pourvoit, juge et maintient son règne, ainsi que font les autres dieux. Ces mutations n'ont pas de trêve, et la nécessité la rend rapide. Aussi voit-on les hommes changer souvent d'état. C'est elle qui si souvent est mise en croix, par ceux-là même qui devraient la chanter et qui lui font à tort mauvais renom. Mais elle est bienheureuse et n'entend rien, et joyeuse parmi les créatures premières, elle tourne sa sphère et jouit de soi, descendant à présent vers plus dure angoisse. Déjà décline toutes les étoiles qui montaient quand je partis, et trop s'arrêter est interdit. Nous recoupâmes le cercle vers l'autre rive, au-dessus d'une source qui bout et se renverse par un canal qui dérive d'elle. L'eau était noire plutôt que perse, et nous, en compagnie de son flot trouble, nous entrâmes plus bas par une voie étrange. Il va dans le marais qui a nom Styx, le sinistre ruisseau, quand il arrive au pied des affreuses berges grises, et moi qui regardais très fixement, je vis des gens boueux dans ce marais, tout nus et à l'aspect meurtri. Ils se frappaient, mais non avec la main, avec la tête, avec la poitrine et avec les pieds, tranchant leur corps par bribes avec les dents. Le bon maître dit: Fils, tu vois maintenant les âmes de ceux que la colère vainquit. Et je veux encore que tu saches qu'il y a dans l'eau des gens qui soupirent et font pulluler cette onde jusqu'en haut, comme tes yeux te montrent, ou qu'ils se posent, plantés dans la boue, ils disent: Nous étions tristes dans l'air doux que le soleil réjouit, ayant en nous les fumées chagrines, à présent nous nous attristons dans la boue noire. Cet hymne, ils le gargouillaient dans leur gorge, car ils ne peuvent le dire par mots entiers. Ainsi nous parcourûmes dans les marais fangeux un grand arc entre le sec et le mouillé, les yeux tournés vers les mangeurs de boue. Enfin, nous arrivâmes au pied d'une tour.